Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Bali, une île aux multiples facettes. Les charmes de l'île des dieux et de ses nombreux attraits touristiques contrastent avec un envers du décor révélant de fortes problématiques environnementales, mais aussi des problématiques de santé publique. En voyage à Bali, j'ai cherché à rencontrer des expatriés impliqués dans les problématiques du développement et de la préservation de l'île. Dans les rues d'Ubud, je suis allé manger dans le restaurant solidaire d'Alexandre, le Warum Balai. Son restaurant reverse une partie des bénéfices à la Fair Future Foundation, une association qui propose des soins médicaux gratuits pour les personnes dans le besoin. Rencontre avec Alexandre, le fondateur. Là, on est en Indonésie. C'est un pays de 280 millions d'habitants. C'est la quatrième, la quatrième population au monde aujourd'hui. Et on se trouve sur une île qui s'appelle Bali, qui est assez connue touristiquement parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent passer des vacances. Et on est dans une petite ville qui s'appelle Ubud. Actuellement, la période, elle est festive parce que c'est la période de Galungan et de Kuningan. Dans deux jours, c'est Kuningan. Sans vouloir expliquer précisément ce que c'est, ce sont deux fêtes hindouistes parmi les plus importantes pour les hindous d'ici. En gros, c'est le retour des esprits, des ancêtres qui reviennent sur Terre pour voir comment ça se passe, etc. Donc on célèbre les esprits. Et tu peux regarder, là autour de nous, il y a plein d'espèces de sapins de Noël. On se croirait un peu à Noël, mais ça s'appelle des penjors. C'est des grands bambous qui peuvent faire jusqu'à 15 à 20 mètres de haut, qui sont courbés, bambous naturels, qui sont décorés à la manière balinaise. C'est-à-dire que c'est parfois un peu kitsch, hein. Le rose, le violet, le bleu, le vert, mais c'est tout fait à la main avec des bambous. La seule différence qu'on trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a des agrafes partout. Ils agrafent tout. Avant, ils faisaient ça avec des fils de bambou, tout à fait naturel. Maintenant, ils utilisent des agrafes. Mais c'est assez joli. Et quand tu regardes la perspective dans la rue là-bas en haut, tu peux voir qu'il y a environ 200 penjors là, tu vois. C'est parce que c'est la période festive, on n'y est pas toute l'année, effectivement. Mais par contre, deux fois par année, tous les 210 jours. Les hindouistes, ici à Bali, ils en font des cérémonies. Et ils en dépensent d'argent pour les cérémonies. Un petit parallèle par rapport à ça, sur chaque euro gagné, même si la monnaie, c'est pas l'euro ici, c'est la roupia, si on prend un montant de 100 roupias, au moins 100% d'un montant, 60% de leurs dépenses va dans les collectivités et dans la religion. Le temple, la collectivité est importante, la communauté est importante. Il reste 40%. Là, on se retrouve, nous, avec toutes les problématiques liées à la santé, et c'est pour ça qu'on y travaille. Mais voilà, c'est un pays qui donne tout pour ses croyances, tout pour sa philosophie, et qui n'est pas prêt à faire marche arrière, qui est prêt à crever de faim pour ne pas avoir à ne pas payer le temple, ou l'église, ou le penjor. Même s'ils n'ont plus rien, ils doivent et ils feront leur penjor, leur décoration et leur don au temple, etc., etc. Mais même avec l'essor du tourisme, même avec la mondialisation, même avec tout ce qui vient de l'extérieur, on continue à garder cette ferveur et cette foi envers les esprits, envers la religion, l'hindouisme ici qui est majoritaire à Bali. Je crois qu'il y a une notion aussi touristique assez importante. Ils veulent la préserver, mais maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. Hein. Ça a bien diminué depuis des années. Moi, depuis le temps que je suis là, j'ai vu qu'il y avait quand même une modification des mœurs et des coutumes par rapport à leur religion. On voit que c'est plus comme avant. La nudité, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes et les jeunes femmes aussi se promenaient seins nus. Et aujourd'hui, ils ne le font plus, pour des raisons évidentes de pudeur, mais de tourisme peut-être aussi. Mais ça ne se fait plus. Autrement, il y a beaucoup de cérémonies qui ne se font plus non plus, pour des problèmes infrastructurels, la circulation, etc., etc., qui ne se font plus. Et puis, ils ont quand même un peu pris conscience, alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, la mondialisation. Ils sont un petit peu obligés de se mettre au goût du jour aussi. Et ils se rendent compte que petit à petit, ils sont obligés de faire un petit peu un effort, aller dans le sens de la mondialisation, pour ne pas perdre pied. Sinon, ils perdraient pied sur économiquement, ils perdraient pied. Je crois que le Bali, il y a 50 ans, les croyances, ces croyances-là, ici, dans cette région d'Indonésie, Mais je crois qu'on peut parler de toutes les croyances et des traditions indonésiennes dans les différentes, dans les différentes îles de l'archipel, qui comptent 13 600 îles, sauf erreur. Sont aussi fortes qu'à Bali d'ailleurs, fin de la parenthèse, tout diminue un petit peu, il n'y a plus la même ferveur, parce qu'ils sont obligés de se mettre un petit peu, de suivre un petit peu le mouvement, quoi. Ce mouvement un petit peu délirant qui amène les gens à supprimer, à faire le tri de leur... le deuil de leur coutume et de leur croyance et de leur religion, parce que sinon, c'est de l'argent qui ne viendra plus. Donc là, le décor est planté. On est à Bali, dans l'archipel indonésien, donc une île qui est majoritairement hindouiste. Tu parles d'une cérémonie bientôt, là, le Kuningam, fin de la semaine. Il y a aussi un élément qu'on n'a pas parlé, c'est le volcan qui a aussi son importance ici, le mont Agung, qui n'est pas loin, qu'on ne voit pas, mais qui doit être quelque part par là-bas. Il y a 16 volcans à Bali, sauf erreur, dont plusieurs qui sont encore actifs. 600 volcans actifs dans toute l'Indonésie et des milliers de volcans. Ah ouais, bien sûr, le volcan, la mer, le père, la mer, l'élément humide et salé, c'est la mer, la maman pour les Balinais. Le volcan est le symbole du père. Plusieurs fois par année, ils vont faire des offrandes au sommet des volcans, et comme ils vont faire plusieurs fois par semaine, parce que c'est plus facile d'aller au bord de la mer, et ils vont faire des offrandes au bord de la mer. Ils y vont avec ferveur, bien sûr, c'est très important pour eux. Maintenant, ce qui est drôle, au niveau de l'île, tu parles de la nature, un élément important, la nature, l'écologie, la mer, le volcan, ils font énormément d'offrandes. Les petites offrandes que tu vois dans la rue, on fait de la radio, on va essayer de les expliquer, c'est des petits paniers en bambou vert, tressés à la main, qui font 10 cm par 10 cm, qui sont remplis d'une fleur, on y met de l'eau, on l'arrose, un peu de riz, et on y met du feu par un bâton d'encens. Ça symbolise des éléments. L'eau, la terre, le bambou, l'eau, le feu, l'encens, et ce qui sort de la terre, l'alimentation, etc. Et donc ils ont un profond respect pour ça. Tout pour eux a une âme ici, et tout a une âme, et tout provient, tout est sain, tout est important. Par contre, ils savent que c'est important, mais par contre ils ne le respectent pas. Il n'y a aucune forme de respect au niveau de la nature. Ils la respectent spirituellement, mais pratiquement, ils ne la respectent pas. Alors, tu parles des volcans, ils vont faire des excursions au sommet du volcan pour faire des offrandes au volcan. Le Gunung Agung, à son pied, il y a le temple qui s'appelle Besaki. Donc, ils grimpent le volcan, ils font des offrandes et ils balancent des quantités d'ordures sur le chemin, qui est incroyable, incroyable. Les bouteilles d'eau, je ne sais pas si tu as grimpé le volcan, mais c'est hallucinant. Même chose pour la mer, ces gens-là vont faire des offrandes et spirituellement, ils donnent tout leur amour et tout leur sens de la vie à ces éléments-là. Puis de l'autre côté, il fait chaud, ils boivent de l'eau, ils balancent la bouteille à la mer une fois qu'elle est terminée et c'est intergénérationnel parce qu'on a beau dire... moi j'entends depuis 20 ans que je suis là, 15 ans que je suis là, j'entends « oui, mais ça ira mieux dans plusieurs générations. » Puis pas plus tard que la semaine passée, j'y étais au bord de la mer et je vois des gamins de 3 ans qui boivent de l'eau et qui balancent à la mer. Donc la génération, il y a du boulot. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant ce que tu dis, cette dévotion pour la nature, la prière au quotidien pour vénérer, pour honorer les éléments et paradoxalement tout balancer dans les rivières, dans les cratères et dans la mer. Pourquoi? Comment tu l'expliques? Ouais, c'est juste. Alors ça, c'est juste un problème d'éducation. L'éducation qu'on n'a pas, ton papa, ta maman, mes parents, ma famille m'a appris, nous ont appris depuis notre plus jeune âge que le plastique était pas bon pour la nature. Je le sais depuis toujours que quand je bois un coca comme ça, je vais pas aller jeter ma canette dans la nature, mais j'ai appris à la recycler. Alors bon, voilà, ils en sont très loin eux, au niveau du recyclage, mais par contre ils ont jamais appris ça, même à l'école. Il y a aucune forme d'enseignement lié à l'écologie. Pour eux, jeter une bouteille de plastique, ça n'a aucune forme d'importance. On ne peut pas leur en vouloir. Jeter une banane ou jeter une canette, c'est pareil. Absolument. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, je ne leur en veux pas, je ne leur jette pas la pierre. Je suis juste choqué à chaque fois que je me promène dans les rizières puis que je vois les gens qui passent puis qui jettent leur sac poubelle plein de merde et puis ils les jettent dans la rizière avec le sourire. Avec le sourire. Mais on leur a jamais dit que c'était pas bon. On leur a jamais dit que c'était pas bien. On leur a jamais dit qu'il fallait 75 ans pour qu'une bouteille de PET, une bouteille en plastique, le PET, il n'y en a pas ici d'ailleurs, qu'une bouteille en plastique se recycle ou un siècle. On leur a jamais dit qu'il fallait 15 ans pour qu'un mégot de cigarette se recycle. Jamais. peut-être que s'ils l'apprennent, peut-être qu'ils en prendraient, peut-être que s'ils en prennent conscience, pardon, peut-être qu'ils adapteraient leur comportement de manière différente et peut-être qu'ils rendraient leur île plus belle. Mais t'as forcément des gens dans la communauté qui sont conscients de ça, le bon sens est quelque chose qu'on a tous en nous, et qui se rendent bien compte qu'un truc que tu jettes, bah, ça va rester, ça va traîner, ça va dégrader l'environnement, c'est pas joli, c'est un déchet, c'est, comment on appelle ça, les sympas, c'est pas quelque chose de valeureux, quelque chose de valorisant. Donc t'as pas dans la communauté ceux qui essayent de s'insurger contre ça, et puis de prendre en main les rênes éducatives pour essayer de faire changer les choses. Ouais, aucunement, puis de toute façon je crois que la notion d'esthétique, ils l'ont pas. Donc finalement de savoir qu'il y a... Oui, c'est leur esthétique. Alors, dans leur notion d'esthétique, la notion d'écologie n'apparaît pas. Pour eux, traverser un chemin dans les rizières couvert de plastique, ça leur pose aucun problème. Moi, ça me fait mal aux yeux. Moi, j'habite une petite room là-bas. J'ai un chemin pour y aller tous les trois jours. Je prends un cornet poubelle, un sac poubelle, et je vais ramasser les sampas, les ordures que les gens mettent de manière tout à fait innocente. Parce que moi, ça me fait mal aux yeux. Eux, ça leur fait pas mal aux yeux. Dans ce sens-là, je leur dis, c'est dans ce sens-là que je dis que la notion d'esthétisme, ils l'ont pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Maintenant, c'est un problème mondial, c'est pas un problème local, hein, voilà. Hormis certains petits pays ultra propres, Singapour, le mien, la Suisse, où on va te mettre une amende de 100 balles quand tu jettes un mégot de cigarette dans la rue, ça c'est aussi peut-être un petit peu exagéré. Mais nous, on a pris conscience, il a fallu plusieurs générations, on a vraiment pris conscience de ça, on a appris, mes enfants ont appris, je leur ai appris, mes parents m'ont appris. Et je fais un effort, jamais je pourrais mettre une pile, une batterie dans un sachet poubelle, je n'y arriverai pas. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Par contre, les Indonésiens m'ont l'acheté dans la rizière, la batterie. On ne peut pas leur en vouloir. Les Indonésiens, les Indiens, en Afrique, si tu as eu l'occasion de voyager en Inde, tu as vu que c'est un véritable cataclysme. Le Gange, la voie de chemin de fer en Inde, c'est extraordinaire. La voie de chemin de fer en Indonésie, entre Jakarta et Yogyakarta, qui va jusqu'à Surabaya, elle est magnifique, elle traverse la jungle, c'est magnifique. Mais 5 mètres de chaque côté des voies, c'est rempli de sampah, rempli de poubelles, de plastique, parce que les gens, bah, innocemment, jettent par la fenêtre. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Maintenant, on ne leur donne pas les moyens de trier. Il n'y a pas de poubelle. Nous, la Fondation, on va y venir sur la Fondation. La Fondation, un jour, il y a 3 ans, on a acheté 500 poubelles. On a fait faire 500 poubelles. On les a achetées. On a mis le logo de la Fondation. On les a fait peindre par des enfants. Donc, c'était une sacrée aventure. Il a fallu des tonnes de peinture, je te garantis. Et on a dégueulassé la rue. C'est incroyable. Mais on a fait 500 poubelles qui ont été distribuées dans la communauté. Pendant 2-3 ans, le temps qu'ont duré les poubelles, ça marchait, ils mettaient dans leurs poubelles. Maintenant, il faut savoir qu'aussi ici, il y a un problème politique. Les locaux, les habitants de la rue, on leur apprend à mettre dans la poubelle. Ils vont mettre dans la poubelle, ils vont balayer, ils vont brûler. Ils brûlent beaucoup ici, ce qui n'est peut-être pas forcément mieux. Ça se voit moins, mais par contre, ça fait du mal ailleurs. Ensuite, qui va ramasser les poubelles ? Personne. Ici, il n'y a pas de ramassage d'ordures. Il n'y a pas d'usine d'incinération d'ordures. Il y en a une, elle est à Sanur. Tu l'as peut-être vue, si tu ne l'as pas vue, je t'encourage à aller la voir. Si tu ne la vois pas, tu vas la sentir. C'est une montagne, c'est cette fameuse décharge, la plus grande décharge sauvage, entre guillemets, au monde. C'est une montagne qui fait 3 km de long, qui fait 300 mètres de haut. C'est une montagne d'ordures. Et elle est au bord de la mer. Donc avec les marées, il y a l'érosion de la montagne d'ordures. Et chaque jour, il y a des tonnes d'ordures qui partent à la mer. Mais des tonnes d'ordures qui partent à la mer. Mais quand je dis des tonnes, c'est des tonnes. Mais ça les effleure pas. Ils n'ont aucune conscience. Il n'y a aucune solution qui est proposée, ni par l'État, ni par les locaux. Les ONG, qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent, les ONG ? Elles vont se retrouver face à des millions de tonnes d'ordures à gérer. Et puis voilà, tu ne peux pas. Puis ici, de toute façon, la législation fait que si moi, en tant qu'ONG, je décidais, c'est pas du tout mon job, hein, de vouloir financer une usine d'incinération d'ordures, je ne pourrais pas le faire parce que les lois sont trop compliquées. Et puis encore une fois, comme à Bali, l'écologie n'est pas la priorité du gouvernement. Mais la France, c'est un pays propre. C'est pas sale. D'apparence. D'apparence, où la saleté est ailleurs. Alex, parce qu'on va lancer on va parler de toi quand même avant de parler de ta fondation. Tu t'appelles Alex, je t'ai rencontré là dans ton restaurant. Donc avant de me raconter ce que tu y fais dans ce resto, j'aimerais que tu me racontes un petit peu d'où tu viens. Donc Suisse, tu l'as dit, mais qui es-tu et comment es-tu arrivé ici? Pourquoi un jour tu t'es dit, ben, je vais quitter la Suisse alors que c'est le plus beau pays du monde là-bas, non? Oui, oui, c'est le plus beau pays du monde, la Suisse. C'est vraiment le plus beau pays du monde. C'est tout petit, 7 millions d'habitants. C'est, voilà, c'est le quart de la ville, 30% de la ville de Paris. Moi, je suis né à Paris, par contre. Voilà. J'ai un papa français, une maman française. Et puis, l'existence a fait que j'ai grandi en Suisse, à Zurich. Je suis de profession médicale, mais je vais en peut-être parler de moi. On va parler un tout petit peu, mais c'est plus important qu'on parle de la fondation et puis de ce qu'on y fait, des gens qui la font vivre. Mais on en parlera, mais ton parcours m'intéresse aussi. Comment t'es arrivé ici? Je suis arrivé en avion. Je suis arrivé parce que je travaillais pour une autre organisation, une grosse organisation. Et puis, j'y ai travaillé un certain temps dans une autre région d'Indonésie. Et puis, j'ai eu un petit peu marre de la manière qu'avaient les gens d'envisager les programmes, de dépenser leur argent. Et j'ai décidé de créer quelque chose suite à un événement personnel. Et puis, ce quelque chose a débouché sur une fondation suisse. Mais t'es venu en tant que, pour travailler alors en Indonésie, t'es pas venu en tant que voyageur? Absolument pas, je suis venu complètement pour travailler. J'ai eu la chance de voyager en Indonésie dans le cadre de mon travail, par contre. Et puis, vu que je vis ici et que je travaille ici, j'ai eu la chance de voyager dans le cadre simplement de mes loisirs. Donc, j'étais un petit peu partout. J'ai pu travailler aussi dans plusieurs régions d'Indonésie. J'ai pu voir la diversité de la complexité de l'île. Mais ce qui t'a amené ici la première fois, donc quand tu as quitté la Suisse et que tu as pris ton avion, c'était vraiment pour suivre une mission. Ce n'était pas pour faire comme beaucoup de gens qu'on rencontre ici à Bali avec le sac à dos, qui tombent amoureux de l'île et qui finalement s'y installent. Absolument. Moi, je ne suis pas tombé amoureux de l'île. Ça, c'est clair. Hein. Je suis amoureux de l'Indonésie, de d'autres régions d'Indonésie. Je ne suis pas très amoureux de Bali. Je ne suis pas un fan absolu de Bali. J'y suis là parce qu'on y travaille et puis parce qu'on a décidé d'y implanter le siège de la fondation pour des raisons purement économiques. Donc, de profession médicale, j'ai fait mes études en Suisse. J'ai travaillé en Suisse dans les hôpitaux suisses. Et puis, un jour, j'ai fait une mission à l'étranger qui a duré un certain nombre d'années. Et puis, dans le cadre de mes activités, j'ai jugé nécessaire de faire quelque chose de différent. Et puis, toujours dans les soins médicaux, parce que c'est mon métier. Et puis, l'éducation et les soins médicaux. Et puis, on a créé une association qui est devenue partie d'une fondation. Donc, en Suisse, la différence, elle est vraiment notoire en termes de fondation, parce qu'une fondation dépend du département fédéral des affaires étrangères. On travaille en partenariat avec la Confédération suisse, une association de droit privé, tandis que là, on est vraiment de droit public, contrôlé par l'État suisse. Et là où c'est assez génial, c'est une histoire de fou, hein. Ici, l'endroit où tu es, c'est un petit restaurant. Comme tu peux le voir, on peut manger indonésien, c'est pas cher, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de service, légalement ni taxes ni services, parce que le restaurant appartient à une ONG. C'est un ancien centre médical. Ici, tu te trouves dans un ancien centre de consultation. Là même, on consultait, les gens venaient consulter. On les traitait en bas, ce qui est devenu mon bureau. C'est un centre de soins, un centre de diagnostic prénatal et un petit centre de traitement médico-chirurgical. Et c'était un peu le défilé. Puis en haut, là-bas, l'autre partie du warung, du restaurant. Warung, ça veut dire petit endroit où on mange. C'était là où on accueillait des familles. Là, on leur offrait quelque chose à boire. Mais en aucun cas, un restaurant. Et puis, par la force des choses, on a été obligé de déplacer la clinique. Donc maintenant, notre clinique, elle est en ville, elle est beaucoup plus grande que ça. Et puis, on s'est regardé un petit peu dans le blanc des yeux, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit? On y a investi quand même pas mal d'argent. 10 000 francs suisses, c'est trois fois rien. La fondation a fait un don de 10 000 francs suisses à des jeunes ici pour créer cet endroit. Et puis, ces jeunes-là, dont Eka, ont décidé de... Ils sont débrouillards, les Indonésiens. Et quand il s'agit de faire un petit peu de sous, ils sont encore plus débrouillards. Et puis Eka, elle a été sur l'ordinateur, et puis elle a imprimé 2-3 recettes. Elle a décidé qu'elle allait vendre des trucs à manger. C'était il y a 4 ans, 4 ans et demi. Et puis elle a commencé à faire toute seule à manger. Et moi, je travaillais à la clinique, et je recevais mes patients avec mes collègues médecins. Et puis entre deux patients, je venais faire la vaisselle en haut. Et je te jure que c'était comme ça. Et puis petit à petit, c'est devenu populaire. Petit à petit, on a commencé à engager des jeunes. C'est devenu un centre d'éducation officiel en 2013 qui reçoit maintenant entre 20 et 22 jeunes par année qui sont là en formation. Formés sur quoi? Sur le côté médical ou sur le côté restaurant, accueil, nourriture? Alors cet endroit aujourd'hui accueille des gens, des jeunes âgés de 15 à 20 ans. On les forme au niveau accueil, anglais, parler, se sentir bien avec les gens, cuisine, tous cuisinent, Et puis, ben, ils sont totalement investis dans la mission de la Fondation, parce que tous les jeunes que tu vois, quand on fait une journée de soins communautaires dans les villages, le war room est fermé et tous ces jeunes viennent aussi donner un coup de main. Donc aujourd'hui, une équipe de 60 personnes environ à la Fondation, une trentaine de jeunes ici, une trentaine de médecins, infirmiers et médecins qui travaillent pour la Fondation et qui traitent 30 000 personnes. Et là où c'est magique, c'est que cet endroit, ce petit war room, le fair war room ballet, totalement ouvert, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien, c'est jamais fermé à clé, forcément il n'y a pas de porte. Aujourd'hui, finance et génère assez de profits pour financer la prise en charge de 30 000 patients par année. On a un slogan qui vaut ce qu'il vaut, qui a été inventé par des jeunes d'ici, un repas pour deux, one meal for two medical consultations including treatment. Un repas pour deux consultations médicales inclut le traitement. C'est pas du blabla, c'est pas du pipeau, c'est 100% vrai. Ici, un repas finance, c'est unique au monde, un repas finance des soins médicaux. Mais comment c'est possible? Parce qu'un repas, il y a des coûts aussi, il y a des frais, des frais de personnel, des frais d'ingrédients. Et les prix dans la carte sont pas forcément plus chers que le war room d'à côté. Absolument, on est bien moins cher surtout que le war room d'à côté. Alors comment ça marche? C'est l'ensemble du volume des recettes qui font qu'on génère assez de bénéfices pour prendre en charge plus de 30 000 personnes par année. Plus la fondation qui elle aussi participe à tous les soins et tous les projets que tu mets en place. Complètement. Le war room ballet tous les mois donne environ entre 17 et 18 000 dollars. Soit 16 000, 17 000 euros, grosso modo, uniquement pour soigner les gens. Ce sont les bénéfices que génère le war room. Une fois qu'on a payé les salaires des jeunes, la nourriture, etc., etc., etc. Le war room est extrêmement populaire. C'est pour ça que ça permet de faire ce qu'on fait. Bien sûr, si on avait 10 clients par jour, ça ne marcherait pas. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ce petit endroit, un petit peu magique, est devenu bien connu grâce aux réseaux sociaux, grâce aux guides de voyage, grâce aux bouche à oreille. Et cet endroit fabrique 250 à 300 repas par jour. Aujourd'hui, ils ont fait entre ce matin 10h et 3h cet après-midi, entre environ 100-150 repas déjà. Et puis ça véhicule, puis une chaleur et quelque chose. Les gens ne viennent pas que manger ici. Les gens viennent participer à une œuvre, ils viennent aussi se faire du bien. C'est important de se faire du bien. C'est ce qu'on voit quand on arrive dans ton restaurant. Effectivement, il y a une carte dans laquelle tu as les menus, mais tu as aussi tout de suite sur la première page « Welcome to the unique and magical the Fair War Room Foundation Bali » à Bali. Et c'est vrai que tu as écrit clairement « One meal for free healthcare », donc un repas pour des soins gratuits. Ça interpelle, hein, forcément. Bah, quand tu vas lire ton menu, tu vas tourner les pages, tu vas voir non seulement ce que tu vas pouvoir manger, mais tu vas aussi voir les projets que tu vas soutenir à travers ton repas. Ça, c'est vraiment c'est plein de sens. Ça a plein de sens. Puis là où on va très loin, maintenant, la Fondation est depuis 8 mois en train de construire un hôpital pédiatrique. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Pour en revenir à toi et à ton parcours, donc ça fait 15 ans que tu es à Bali, tu disais, je crois, ou 15 ans que tu es arrivé en Indonésie. Qu'est-ce qui te tient encore ici? Donc c'est tous les projets que tu mets en place, ou pourquoi avoir fait le choix de rester là? Et pourquoi avoir fait le choix aussi de mettre des projets en place ici et peut-être pas ailleurs en Asie ou en Afrique? Alors je vais commencer par répondre à ta dernière question, pourquoi pas ailleurs? Parce que justement, on est une fondation suisse reconnue d'utilité publique, state approved, et qu'à ce titre-là, on n'a pas le droit de travailler partout. Les statuts de la Fondation, s'ils sont déposés auprès de la Confédération, ils doivent mentionner un endroit, un lieu, en principe même un village. On a une dérogation pour pouvoir travailler dans une région. Donc nous, on travaille dans la région de West Nusa Tenggara, c'est-à-dire Bali, les îles de la Sonde, Sumba, Lombok, Flores, voilà, maximum. On n'a pas le droit de travailler en Ouganda, par exemple, où je n'ai pas le droit d'aller travailler en Malaisie, d'aller construire des écoles en Malaisie, un hôpital en Malaisie, je n'ai pas le droit. Si je veux le faire, je dois modifier les statuts, déposer auprès de la Confédération et payer 2500 francs suisses. Voilà. Et pourquoi j'y suis? Alors ça, c'est une question que je me pose actuellement tous les jours. Et je te remercie de me la poser parce que ça, ça fait quand même un bout de temps. Et ça fait quand même un bout de temps que je donne de moi. J'ai quand même payé un peu de ma santé aussi. Hein. Je suis sur pied de guerre depuis des années, de 7h le matin jusqu'à 11h le soir. J'ai pas de vacances, peu de jours de congé. J'ai toujours autant de plaisir, mais... Il y a des fois, je me dis, écoute, Alex, quand je retourne en Suisse, puis je vois mes copains, mes amis qui ont une vie dite normale, le premier jour, j'y arrive, je me dis j'ai envie de leur vie. Trois jours après, je me dis ouais, ce serait quand même pas mal. Et puis au bout de quatre jours, non, j'ai plus envie de leur vie. Mais ici, c'est aussi, c'est un peu le même raisonnement. Je sais pas, on est, de toute façon, l'humain n'est jamais satisfait de ce qu'il a, je crois. On est toujours en train de se poser la question, moi le premier, de ce qu'on va faire demain. Je me pose la question, ce que je ferai demain, si je suis encore là dans un an, mais tu reviens dans un an, je pense que je serai encore là. Mais c'est marrant, parce que beaucoup d'expats, c'est un peu pareil. Quand on part longtemps, quand on vit longtemps à l'étranger, à un moment donné, on a une envie de retour. Alors moi, j'ai la chance de rentrer parfois. C'est ça qui est chouette. Les expatriés, c'est un monde particulier. Dans le monde des expatriés, il y a trois catégories. Il y a ceux qui travaillent, comme moi, qui viennent dans un objectif purement professionnel. Il y a ceux qui ont fui quelque chose, qui sont partis de leur pays parce qu'ils en ont juste ras-le-bol, parce que ras-le-bol de leurs problèmes, ras-le-bol de leurs soucis familiaux, etc., qui viennent pour couper de tout, et en croyant qu'ils vont tout résoudre ici. Non, finalement, ils ne résoudront rien ici. Tu vas résoudre tes problèmes chez toi, face à tes problèmes. Puis il y a les gens qui décident de tout plaquer, ils sont bien dans leur tête, ils décident de partager, de voyager, etc., etc. Comme toi, tu travailles, c'est aussi différent. Mais tu fuis rien, tu es là, tu fais quelque chose de chouette, tu prends du plaisir, il n'y a pas vraiment de souci par rapport à ça. Donc voilà, j'ai 49 berges, et puis des fois je me pose la question, bah tiens, qu'est-ce que tu feras quand tu auras 65 ans, mon gars, parce que dans 15 ans, c'est demain, tu vois. Et voilà, c'est des questions que je me pose, mais c'est des belles questions. J'en fais pas tout un fromage, comme on dit chez nous en Suisse, mais... Je rebondis sur « je gagne pas ma vie, j'ai 49 berges, mais je gagne pas ma vie ». Et qu'est-ce qu'ils en pensent, papa-maman? Alors souvent, les papas-mamans, ils n'ont qu'une envie, c'est que leur fils réussisse dans la vie. Est-ce que c'est une réussite pour les yeux de tes parents? Mes parents, mes deux papas, j'ai la chance d'en avoir deux. J'en ai un que tu connais, il s'appelle Axel Kahn, il est généticien en France. Et puis mon autre papa, il est suisse, il s'appelle Bernard. Je les aime tous les deux très fort et je les embrasse. Les deux disent que c'est génial. Axel, il nous a beaucoup aidés à la Fondation. J'ai eu la chance de faire deux, trois publications, de publier deux, trois choses. Et puis il a toujours été là pour nous donner un coup de main au niveau de l'édition, au niveau de la préface. Il a écrit des textes, Axel, dans nos publications. Ça nous a aidé à les vendre, ça nous a aidé à prendre un petit peu de l'importance, la Fondation, à être connu, tu vois, quand on a quelqu'un qui a ce nom-là. Et puis mon père Wettstein, mon père suisse, mon papa suisse, alors lui, c'est lui qui m'a donné le goût du voyage. C'est lui, il est pilote de ligne, il est retraité, et j'ai eu la chance d'habiter à l'étranger étant petit, étant jeune. Il m'embarquait avec lui dans le cockpit quand il voyageait. Je me souviens de mon 13e ou 14e anniversaire, ou pour mon cadeau d'anniversaire, j'avais un billet d'avion autour du monde avec lui, on est partis tous les deux. C'était un kiff, hein, 10 jours le tour du monde, donc voilà, en avion, on a passé notre temps dans les avions, on est passé du Japon en Alaska, en Thaïlande, à Bangkok, à Karachi, tu vois, des trucs chouettes. Et tous m'ont encouragé. Mon père et ma mère m'ont encouragé. Mes grands-parents, de leur vivant, m'ont aussi beaucoup encouragé. J'avais une grand-mère, la maman d'Axel Kahn, philosophe, Camille Kahn, assez connue aussi, qui m'a toujours encouragé, qui m'écrit des mots en disant que c'était magnifique avant qu'elle meure. Ma maman aussi, ça a pris plus de temps, ma mère. Et aujourd'hui, elle m'encourage, elle trouve que ce que je fais est bien. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est vrai que je suis pas banquier en Suisse, j'ai pas une Audi Quattro et j'ai pas une villa avec une machine à sécher le linge à la cave, une machine à laver et puis une j'ai pas ça. Voilà, moi j'ai un scooter et puis trois t-shirts, un pantalon, deux paires de baskets. J'ai pas un centime pour ma retraite, mais c'est pas grave. Ça ira. C'est bien, t'as pris aussi ça, cette philosophie de l'instant présent. On vit maintenant, on verra demain. Ah oui, alors bah ici, de toute façon, alors ça c'est encore un autre aspect de la vie ici. Si tu fais des plans avec des Indonésiens, c'est pas possible, parce que plus tard, plus loin que l'instant présent, ils arrivent pas. Le passé étant le passé, par définition, mais ça, c'est aussi valable pour toi. Ça devrait être valable pour tout le monde. On n'a plus d'emprise sur le passé. Donc moi, j'ai aussi appris à réaimer mon pays par rapport à mes années d'expatriation, à me rendre compte à quel point j'avais de la chance, cette chance inouïe, de faire partie d'un monde qui est le mien, l'Occident, la Suisse, la France, l'Italie, enfin l'Europe. Ces règles-là, elles nous offrent un cadre de vie formidable. On a accès aux soins, mon gars. On a accès... Toi, t'es malade, tu vas à l'hôpital, on te prend charge, tu payes rien, c'est gratos. Tu vas à l'école, tu payes rien, c'est gratos. Enfin, c'est les impôts qui payent. T'es dans la merde en Suisse, on te donne 2000 balles suisses, quoi. T'es un toxicomane, voilà, tu peux plus travailler, t'es à l'assurance invalidité, tu reçois une rente invalidité, on prend soin de toi. Ici, t'es malade, il n'y a personne qui va te payer, il n'y a pas d'assurance maladie. Ici, t'as faim, tu crèves. T'as pas d'argent pour te payer à bouffer, tu crèves. Ici, t'as pas de boulot, il n'y a pas de chômage. Ici, l'école, elle est payante. Donc, faut arrêter de se plaindre, quoi. Ici, ils ont le droit de se plaindre. Mais nous, on n'a pas le droit de nous plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Ça, j'ai appris. Ça, c'est une belle leçon, ouais, à méditer, à écouter et à réfléchir. Merci à toi, Alex. Ben, merci à toi, puis bonne continuation et merci pour ce moment. J'ai appris beaucoup sur moi en parlant de toi, en parlant de ça avec toi. Je pense que tu l'as déjà entendu, ça, je pense. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre. Sentir. Toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.